Alors, c'était à l'instant Delgarma qui nous a chanté en suédois. Ça change un petit peu hein, des English trucs, Bara dem het et Ihag. C'est des trucs, ça nous date, ça avait été fait en 2005 hein, que ça nous est arrivé. Ça fait déjà donc 3-4 ans quoi. Hein. Et là, en fond sonore, Rebémol et Glitch de la rubrique Triturer, Mélanger, Servir. Donc, cette rubrique qui consiste à recycler à l'infini en remixant, en samplant sans arrêt ce qui a déjà été mis en ligne dans la série pour refaire de nouveaux morceaux. Rebémol et Glitch, qui, comme vous l'avez compris, est un morceau en ré bémol. Ah oui, il restait une note, bon pas grave, hein. On va faire avec, j'ai parlé par-dessus. On revient après ben, le français, après l'anglais, après le suédois, ça ne sera pas du volapük, c'est une autre langue, je ne saurais pas comment dire, c'est peut-être une langue préhistorique, ou voire même post-historique, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, hein. Il paraît que l'homme, ça va aussi évoluer et que bon bah on n'aura peut-être pas forcément on va pas forcément rester comme aujourd'hui avec des centrales nucléaires, avec de l'électricité, du feu, de l'écriture. Qu'on va devoir probablement s'adapter au changement de climat. Donc l'homme, une espèce de mammifère, en moyenne ça dure 50 000 ans paraît-il. Hein. C'est ce que j'ai entendu dans une émission de radio scientifique canadienne qui était consacrée à l'évolution, puisque c'est l'année, c'est une année spéciale Darwin, et puis que c'était l'anniversaire, là tout récemment, l'anniversaire de sa naissance. Alors, en langue préhistorique, mais c'est quand même de la folk du 6 juin 2007 par composé donc pour les paroles, pour la musique et pour l'interprétation, c'est Black Nose qui a tout fait et qui s'est autoproduit sous licence Creative Commons by NCSA 2.5. Donc ça dure à peine 36 secondes. Mais donc pour moi, j'ai classé ça, fallait bien que je mette ça dans quelque chose, que j'essaye de déterminer avec quelle autre musique ça peut aller. Donc je l'ai mis dans la folk. Ça s'appelle Bray. Et oui, à l'instant, c'était Black Nose. Qu'est-ce que je fabrique là ? C'était pas ce que je voulais faire. Je suis en train de faire 36 choses en même temps et du coup, je fais n'importe quoi. Donc j'étais en même temps sur le chat, sur le forum, au micro, aux manettes. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Faut pas croire, hein. C'est du travail la radio, hein. Avec Monsieur la Campagne qui continue ce programme, toujours donc cette spéciale folk, les fraises, la chanson sans chapeau. On va faire passer la chanson sans chapeau en premier. Je crois que je l'avais déjà fait passer dans l'émission spéciale à propos des poils. Il est fier de ne pas en avoir. Mais on va se la faire repasser parce que c'est très bon. Du 15 janvier, composé et mis en ligne le 15 janvier 2008, et les fraises 26 février, donc tout ça, ça nous date d'il y a à peu près un an. Les deux sont de l'album Épelez-moi, bah oui, effectivement, il est épelé, Monsieur la Campagne, sous Creative Commons by NCSA 2.0. Les fraises, j'arrive plus à me remémorer le morceau, les fraises, à quoi ça ressemble. J'ai dit que c'est de la folk, donc si je me rappelle pas, ça va être un petit peu la surprise aussi pour moi, pour une fois. Je vais passer outre tous vos préjugés, faire mon coming out et vous avouez que j'aime, oh j'aime ma calvitie. Oh j'aime, oui j'aime mon crâne dégarni. Laï, laï, laï. Je ne saurais envisager pour rien au monde une perruque m'affublée, brune, rousse ou blonde. Car j'aime, oh j'aime ma calvitie. Oh j'aime, oui j'aime mon crâne dégarni. Je veux être chauve, c'est mon but dans la vie. Je veux être chauve, allez, souris. Car j'aime, oh j'aime ma calvitie. Oh j'aime, oui j'aime mon crâne dégarni. Oh j'aime ma calvitie. Oh j'aime, oui j'aime mon crâne dégarni. Moi qui n'ai jamais été beau, je ne cherche pas à le rester. Je sais vieillir car mon ego en ça n'est pas indisposé. Moi qui n'ai jamais été beau, je ne cherche pas à le rester. Je sais vieillir car mon ego en ça n'est pas indisposé. Comme une aphrodite ménopausée. Comme une aphrodite ménopausée. Car moi j'aime, oh j'aime ma calvitie. Oh j'aime, oh oui j'aime mon crâne dégarni. Oh j'aime, oh j'aime ma calvitie. Oh, j'aime, oh oui, j'aime mon crâne dégarni. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Zébaté baba, ba, za la la la, za la. Chien dans le jardin qui se promène avec des nains qui font des gestes. Petit chat sur le toit, il est roi mais il a froid, il veut une veste. C'est une chanson pour ne rien dire, chanson débile pour rire. Le petit chien fait miaou, on l'enferme chez les fous, il se s'embête. Vous me direz c'est normal, car c'est un animal, ou avais-je la tête. C'est une chanson pour ne rien dire, chanson débile pour rire. Le petit chat le sait, plus tard il sera pompier volontaire. Il ne sera pas chasseur de tous ces petits mangeurs de gruyère. C'est une chanson pour ne rien dire, chanson débile pour rire. Ça devient vraiment navrant, je crois qu'il est urgent que je me taise. Cette chanson est terminée, cette chanson est terminée, cette chanson est terminée. Mangeons des fraises. Oui, cette chanson est terminée, c'est bien gentil de nous prévenir, ça évite de se laisser surprendre par la fin. Quoique, bon, les fausses fins, c'est pas mal aussi, on se met à parler dans le micro avant la fin, ou alors la fin qui prévient pas, alors ça c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une fin, ça coupe comme ça en plein milieu, sans raison. Faudrait que j'en fasse une fois, une comme ça, quoi, pour juste pour embêter les gens qui me feraient passer à la radio. Quoique ça en ferait pas des masses, hein, parce que bon, pour le peu que je passe sur des radios, même sur le web. Donc tout à l'heure, bon, à propos de Boé, il m'avait été dit que c'était du mouton. Qui c'est qui m'avait dit ça? C'est Steph Bach, que c'est du mouton comme langage. Là, cette fois-ci, on change d'animal, ça va être du meuh. Avec deux morceaux de meuh en Amérique. Ah, j'ai deux morceaux là. Oui. Ah oui, j'en ai deux. Oui, c'est, je prépare déjà les émissions suivantes. Du coup, je me mélange les pédales. Il y a bien deux morceaux de meuh. Alors, en Amérique et la fièvre de meuh. Qui est sous licence GNU, ça pouvait être la seule la licence qui allait le mieux, GNU-GPL, GNU-ART, avec un GNU en illustration sur le logo. Donc ça nous date de août et de décembre 2007. Bon, c'est du meuh, il y en a un petit peu moins qui se met en ligne là, tout doucement. Ça s'est un petit peu ralenti, mais enfin, il y en a encore de temps à autre. Meuh, ça s'écrit avec trois points d'exclamation collés au meuh en lettres capitales pour avoir l'orthographe exacte, pour éviter de tomber sur des faux, par exemple, sur des imposteurs. Non, le vrai meuh, c'est M-E-U-H en majuscule, trois points d'exclamation et pas autrement. En Amérique, oui, on a Là, on n'est plus vraiment dans la folk, on a de la world plutôt, dans un premier temps pour Amerik. Et la fièvre de Meuse, c'est du jazz, des chants, à moins que ce ne soit du blues des prés. Je vous laisse avec ce meuh. Une petite danse, ma chère Meu. Ah. Ben oui, chais, tu ne parles pas celtique, mais qu'à cela ne tienne, les souvenirs de ta cousine des Côtes d'Armor, nous allons bien les traduire, au mieux. Sur mes collines bien basses, je broutais mon herbe grasse. Sur les collines bien basses, je broutais mon herbe grasse. Et c'est là que j'ai remarqué que parfois les fourrés bougeaient. Je broutais mon herbe grasse, alors je me suis rapproché. Je broutais mon herbe grasse, alors je me suis rapproché. Près de ces fourrés qui bougent, non loin de mon coin à Bouze. Alors je me suis rapproché et m'attendais à voir des choses. Alors je me suis rapproché et m'attendais à voir des choses. Plus ou moins drôles, plus ou moins dures, plus ou moins sales, plus ou moins pures. Il m'attendait à voir des choses, la fermière et son jeune amant. Il m'attendait à voir des choses, la fermière et son jeune amant. Mais la surprise fut réussie, ce n'est point eux qui firent ces bruits. La fermière et son jeune amant n'étaient alors point dans mon champ. La fermière et son jeune amant n'étaient alors point dans mon champ. Certes ce que je vis fut volage, mais pour autant bien innocent. N'était alors point dans mon champ, c'était plutôt trois garnements. N'était alors point dans mon champ, c'était plutôt trois garnements. Dont le jeu éprend les feuillages, dont se fourrait là dans mon champ. C'était plutôt trois garnements que j'ai alors contemplé. C'était plutôt trois garnements que j'ai alors contemplé. Mon mufle les a bien fait rire lorsque je les fis sursauter. Que j'ai alors contemplé et suis retourné ruminer. Que j'ai alors contemplé et suis retourné ruminer. Un peu de gaieté dans la tête pour passer le reste de la journée. Sur ma gousset, rousse tache sous la robe bovine, il y a un cœur qui bat. Elle a dans la tête des tas de folies, des drôlasses. Ce n'est pas parce qu'on est vache qu'on ne pense pas. La vie qui jusqu'à présent lui paraissait bien verte, la voilà que du bonbon, elle prend le rose. La couleur de base de celui qui va paître lui semble bien pâle, voire bien morose. Meuh à la fièvre. La fièvre de Meuh à la fièvre. La fièvre de Meuh s'embrase lorsque l'astre soleil se couche sous son regard humide d'un bête sourire. Je rêvasse lorsque dans le ciel les étoiles touchent sa sensibilité romanesque à mourir. Elle ne sait pourquoi ces quelques états d'âme, certes peu fréquents avec les fleurs des champs, se sont envolés au profit d'une douce flamme que lui procure l'air frais du printemps. Meuh à la fièvre de Meuh. Meuh à la fièvre de Meuh. Même les mouches qui d'habitude l'embêtent lui semblent maintenant caresser sa peau. Ses coups de queue qui normalement fouettent l'air ne sont plus que de simples trémolos. Elle s'est découverte une vertu coquette, elle mâchouille l'air idiot un coquelicot. Une vache amoureuse c'est sans queue ni tête, ce à quoi me répondra sûr que c'est faux. Meuh à la fièvre. La fièvre de Meuh, Meuh à la fièvre, la fièvre de Meung. La fièvre de Meung. Voilà pour deux Meung, et puis encore deux autres Meung. Oui, il y en a une des quatre qui est un peu malade, mais c'est pas grave. C'était l'occasion un petit peu de ressortir mes boîtes à meux avec ce meux qui nous aisait. Donc meux qui est un groupe ou un, qui n'est pas un groupe, qui n'est pas un collectif. Non, c'est meux, mais c'est sur Dogmazic que vous trouverez ça. Et la suite, bah, on revient de nouveau à des trucs. Ah bah, c'est marqué de nouveau tout en English, tout en anglais. Nebulous Notions, les notions nébuleuses de Revolution Void, qui n'est pas sur Dogmazic, mais sur beta.legaltorrents.com /torrents/49-increase-2-dosage. Je donnerai l'adresse complète sur le forum. Vous l'avez si vous avez téléchargé sur le peer-to-peer avec la page HTML d'info de piste que je livre avec. Et je la donnerai aussi sur le chat, tant qu'à faire. Nebulous Notions de Revolution Void, qui est sur l'album Increase the Dosage. On passe à du blues finalement. J'ai le temps de passer du blues. Tout dépendait en fait de combien de temps je passe à parler, combien de temps je passe à faire passer de la musique. C'est sous licence Creative Commons by NCND 2.0, donc c'est spécial folk et spécial blues cette fois-ci. Increase the dosage. On ne va pas augmenter le volume, pas la peine. Ça s'écoute à un niveau sonore tout à fait normal.